Donc bonsoir à toutes et à tous et puis je vous remercie de votre présence. Hein. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici et j'ai tout de suite accepté l'invitation qui m'avait été faite parce que je trouvais le thème vraiment fascinant et puis je trouvais que c'était important d'en parler à travers mon regard. J'ai un regard alors certes de pratiquant, j'aime beaucoup ce type de sport, mais aussi à travers une analyse en économie, en sociologie qui constitue mes... je dirais mes deux disciplines de recherche. Donc voilà, ce que je vais pouvoir dire ce soir sera la croisée un petit peu de ces dimensions-là. Et l'idée, c'est justement de réfléchir à cette question de l'hypertrophie du muscle, hypertrophie de l'image, les deux étant liés d'une certaine manière, parce que mon propos, finalement, sera d'essayer de mettre en avant que... on est dans un certain système économique, dans un certain système de société, et forcément, sans qu'on en ait toujours conscience, tout ça nous influence, et puis par nos comportements, on le fait soi-même évoluer finalement ce système, on y participe d'une certaine manière. Donc l'idée, ce n'est pas de juger, de mettre en avant certaines choses qui pourraient poser problème pour certains et certaines, c'est plus de réfléchir voilà, dans le monde dans lequel on vit, pourquoi ces attentes autour du corps, et en particulier, j'aurai l'occasion de le redire, j'espère pas être trop pénible avec ça, mais avec ce regard un petit peu d'économiste, qui est un angle assez nouveau ou plutôt ignoré dans d'autres disciplines, et qui permet d'avoir une autre vision, à mon avis, du rapport au corps aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais présenter un certain nombre de choses et puis on gardera le temps, à mon avis, pour après la présentation pour les questions. Alors, sur cette question de l'hypertrophie du muscle pour les pratiquantes et les pratiquants, c'est ce qu'on recherche en priorité quand on va à la salle, cette sensation de congestion, cette sensation de pousser le muscle au maximum pour accumuler de l'acide lactique, pour en ressentir les effets. Voilà, il y a quelque chose de limite d'addictif, j'y reviendrai là-dedans. Et moi, quand j'ai commencé à travailler autour de ça, alors vous voyez ici quelques illustrations de bodybuilders célèbres ou en tout cas de personnes qui ont cherché à faire de leur corps, je dirais, un outil de valorisation pour leur propre carrière. On a deux Mister Olympia sur la gauche, donc qui sont représentatifs du titre suprême dans la discipline du bodybuilding. Et puis on a Dwayne Johnson qui a fait du catch, qui a fait par la suite une carrière à succès au cinéma. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler autour de cette question-là, j'avais plutôt eu des retours négatifs, en fait, en matière de recherche, puisqu'on m'avait dit, voilà, c'est un thème qui paraît assez exotique, pourquoi vous allez faire une recherche autour de ça? Ça concerne quelques individus qui sont un peu, comment dire, en sociologie, dans la déviance, quoi, hein, qui sont dans une forme de culture qui est parfois associée au dopage, à certaines formes de consommation addictive, et qui n'apporterait rien à la connaissance en sociologie. Bon. Moi, j'ai plutôt pris le pari inverse parce que, bien sûr que cet univers est fascinant, parce que pour moi, il est vraiment à la croisée de beaucoup de problématiques qui parfois s'enchevêtrent, parfois sont distinctes. Et ça, c'était un premier point très important que je chercherais à mettre en avant ce soir, que derrière ce rapport qui semble très individualisé au corps, on a finalement, au contraire, tout un ensemble de choses qui rejaillissent d'une certaine manière, mais dont on n'a pas toujours conscience. Et puis deuxièmement, c'était surtout ça, et Capucine a parlé du titre de mon dernier ouvrage, mais c'était le fait que c'est vraiment devenu un phénomène de masse. Alors, sans jeu de mots, hein, le but, c'est de faire de l'hypertrophie pour accumuler de la masse. D'ailleurs, pensez bien à enlever le gras, hein, sur les jambons. Mais le but, c'est vraiment de construire du muscle et d'aller au maximum dans ses capacités telles qu'on les conçoit, telles qu'on les espère. L'idée de se projeter, l'idée d'un imaginaire, j'y reviendrai tout à l'heure, elle est aussi très, très importante. Et c'est vrai qu'on a vu fleurir, alors vous êtes beaucoup plus jeune que moi, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais moi j'ai vu fleurir toutes ces salles, certes au départ dans les centres-villes, mais aujourd'hui dans les périphéries, comme vous pourriez dire, il y a des supermarchés, maintenant il y a la salle d'à côté qui est présente et qui offre un espace potentiel pour un ensemble de personnes de pouvoir pratiquer comme ces personnes l'entendent. Donc ça, à l'histoire de l'échelle française, on va dire, c'est assez nouveau. Là aussi, j'y reviendrai, c'est un modèle qui rappelle plutôt ce qu'on a pu connaître dans des décennies antérieures, le contexte américain. Mais dans le cas français, c'est nouveau. les salles et leurs extensions, je dirais, puisqu'on voit aujourd'hui de plus en plus dans les villes des espaces où on peut pratiquer en plein air. Alors, ce n'est pas strictement la même forme d'activité toujours, mais c'est aussi en résonance avec ce qui se fait dans les salles, parce que justement, le fait que les salles soient payantes, le fait que les salles soient un univers fermé, pour certains, ce n'est pas quelque chose qui leur convient bien. Et à l'inverse, le fait d'être à l'extérieur permet de retrouver une dimension un petit peu d'harmonie, je dirais, entre le corps et son environnement. Et là, encore une fois, on retrouvera des parallèles historiques avec d'autres époques que je chercherai à mettre en avant. Et puis, dans ce phénomène d'hypertrophie musculaire, il ne s'agit pas uniquement d'aller à la salle, se dire, voilà, je vais faire un peu de quelques entraînements. Aujourd'hui, j'ai bien travaillé, j'ai bien ressenti des congestions et puis je vais tout de suite avoir les résultats. On voit que ça prend du temps, c'est assez long et que pour en arriver là, il faut aussi penser rationnellement notre vie quotidienne. C'est un système de vie, c'est un mode de vie. Donc, c'est pour ça que j'ai mis aussi ici le fait que, vous voyez bien qu'il y a tout cet phénomène de masse parce qu'il y a aussi des entreprises qui gravitent autour de ça et qui se proposent de plus en plus d'offrir des services, d'offrir des produits pour répondre aux attentes nouvelles de pratiques de masse autour du corps. Donc ici, il y a des produits nutritionnels qui sont mis en avant et une grande enseigne, pour ne pas la citer, il suffit juste de lire le nom, mais qui, là aussi, s'est mis de plus en plus à la proposition de réponse nutritionnelle pour concrétiser la fabrique du muscle. Donc voilà, mon interrogation, c'était de se dire que pour partir et comprendre l'importance que beaucoup de personnes aujourd'hui accordent à l'hypertrophie musculaire, visible dans différents types de cadres, eh bien, il faut s'interroger sur cette fabrique du muscle à grande échelle qui interpelle et qui permet de développer de nouvelles formes de recherche, selon moi. Le titre, la fabrique du muscle, il a deux sens, en fait, et qui correspondent bien à ce que je vais chercher à mettre en évidence ce soir et qui, je le redis aussi, renvoie peut-être à votre expérience personnelle de pratique, et d'autant plus que vous êtes des types d'études qui sont au cœur de celle-ci. Le premier sens, c'est là un peu mon regard d'économiste, c'est peut-être m'interroger à l'idée de la production, en fait. Je me dis, on va dans une salle, on est là pour quelque part transformer de la matière. Alors certes, on pourrait me dire c'est physique, oui c'est physique, mais il y a une logique vraiment économique en disant, quand vous voulez construire une voiture, vous allez prendre des matières premières et puis vous allez assembler le tout avec une organisation spécifique de la production et puis vous en attendez à la sortie un nouveau produit, quoi, d'une certaine manière. Mais là, c'était le parallèle qui m'interpellait en me disant, ah, c'est fou, il y a quand même tout un ensemble de personnes et de plus en plus de personnes qui vont dans des lieux spécifiques pour transformer leur matière corporelle et qui, pour transformer leur matière corporelle, vont aussi utiliser de façon spécifique différents types de matières premières. Les aliments qui sont consommés au quotidien, les produits nutritionnels, parfois d'autres types de produits. Et ça, comme l'indiquent ici les chiffres, eh bien on voit que c'est quelque chose qui concerne la grande majorité des Français, alors les jeunes un petit peu plus quand même aujourd'hui, mais en tout cas la grande majorité des Français et des Françaises, c'est pas quelque chose qui est devenu ou qui est resté, on pourrait même le dire comme ça, spécifiquement masculin. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé un peu plus, aller dans les salles, il n'y avait déjà pas beaucoup de salles. C'était des salles de bodybuilding qui étaient ouvertes la plupart du temps par des anciens champions et on trouvait quasiment que des hommes, quoi, d'une certaine manière. Aujourd'hui, vous voyez bien que la mixité est là et que les filles aussi sont intéressées par cette production du muscle. Et c'était vraiment ce processus-là qui m'intéressait, qui bien sûr forcément va être lié à l'idée d'une consommation. À un moment donné, j'y reviendrai également. Mais quand on parle de fabrique du muscle, ce que je trouvais aussi intéressant, c'était de réfléchir sur le lieu, en fait. Parce que la fabrique, c'est aussi quelque part un atelier, c'est aussi une usine où on va se positionner face à une machine à un moment donné, on va parfois s'isoler des autres, se concentrer, on a son petit carnet et on va usiner, c'est le cas de le dire, quoi. On va chercher à affiner le muscle, on va chercher le détail, on va chercher à produire spécifiquement. Donc ce facteur-là aussi, de me dire que ce n'est pas anodin, encore une fois en référence au système dans lequel on vit, de se dire qu'on a une concentration des personnes à un endroit précis, qui ont un objectif précis et qui sont là pour finalement faire la même chose d'une certaine manière. Et quand j'ai pu travailler avec des bodybuilders qui étaient par exemple ouvrier, une des questions qui m'était venue à l'esprit, c'était de dire, c'est marrant, tu sors de l'usine où tu as passé la journée face à ta machine, tu étais chronométré et tu as été finalement encadré dans ce processus, tu as fait corps avec la machine. Et là, je pensais que tu allais sortir de ton usine et que tu allais être un peu plus libéré, un peu plus différent dans ton attitude. Et ce que je vois, c'est que tu te postes face à ton travail, tu parles à personne, tu as ton carnet, tu notes tes performances et tu te chronomètres. C'est du taylorisme, quoi. Tu fais la même chose, tu dis, ouais, mais voilà, la grande différence, c'est que dans ce lieu-là, ça m'appartient. Ce que je suis en train de faire, c'est à moi, c'est mon objet, quoi, d'une certaine manière. Donc ça aussi, ça m'a interpellé pour montrer que dans cette fabrique du muscle, eh bien, on va chercher aussi à se transformer. Quand on produit de l'entraînement, quand on produit à travers des techniques, finalement, une certaine forme de dépense énergétique, on cherche aussi à se transformer en termes identitaires. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui se passe. Donc ici, en plus de cette logique un peu d'atelier, d'usine économique, il y a forcément aussi un espace social qui est recherché. On cherche une communauté spécifique. On cherche un ensemble de rites avec des codes spécifiques, avec l'idée d'une transformation de soi qui, pour moi, s'apparente un petit peu à des formes, on va dire religion, ça serait peut-être un grand terme, mais de religiosité, comme on pourrait entendre le terme parfois, où il y a des références de grands modèles, il y a des références de grands endroits, c'est la Mecque du bodybuilding, c'est le temple d'eux, etc. Parce qu'il se passe des choses dans cette salle qu'on ne trouverait pas par ailleurs. Et vous voyez que, quand on revient sur le plan un petit peu économique, eh bien, tout un ensemble de nouvelles entreprises sont apparues au fil des années, pour proposer leurs services et proposer finalement la possibilité à des personnes eh bien, d'avoir une stabilité de leur façon de se retrouver dans cette production du corps. Vous avez des salles, vous pouvez retrouver exactement les mêmes à Paris, à Grenoble ou même parfois à l'étranger. Il y a certaines salles qui sont citées ici que j'ai pu retrouver à l'étranger et si je peux me permettre la comparaison, ça fait un peu comme chez McDo, quoi, en disant chez McDo, vous voulez à la fois parfois un burger spécifique parce que vous dites il vient de la région, il met en avant tel ou tel type de truc, mais vous voulez aussi que le Big Mac il soit le même que ce soit à New York que ce soit à Paris. Donc il y a une forme d'uniformisation aussi tout ça derrière tout ça qui est à l'œuvre dans ce processus de développement des salles de sport aujourd'hui. Et là aussi j'y reviendrai parce que encore une fois c'est une des caractéristiques du capitalisme dans lequel on vit pour moi aujourd'hui. Ce sera mon angle d'attaque. Donc, si on cherche vraiment à produire ce corps, si on cherche vraiment quelque chose à travers ce corps, ça nous montre déjà que ce corps, il est malléable. Ce corps, il inscrit en nous des formes d'imaginaire. On se projette à travers le corps, on se fixe des objectifs. On a envie d'en faire quelque chose. Donc, ce n'est pas simplement un espace qui est marqué par, il l'est, mais il est marqué par des émotions, par une certaine forme d'anatomie, je dirais très déshumanisée, très objectivée. C'est aussi un espace par rapport auquel on va chercher à exister dans le monde dans lequel on vit. Donc ce corps-là, il est toujours historiquement situé. Une même pratique ou des pratiques quasiment similaires, pour moi, n'auront pas la même signification parce qu'elles s'insèrent dans un contexte spécifique. Et comme je le précisais tout à l'heure, le contexte spécifique nous influence dans notre rapport au corps, sans qu'on en ait toujours conscience, mais de notre comportement, on fait aussi évoluer le système. Parce que quand on achète tel ou tel type de produit en masse, on va permettre l'apparition de nouveaux secteurs, de nouvelles entreprises, de nouvelles formes d'espace, comme on dit en économie, d'accumulation du capital, qui permettent au système de se renouveler et d'exister. Voilà. Donc, forcément, moi j'insiste beaucoup sur le capitalisme, cette forme de système économique qui est apparue petit à petit à partir du 19e siècle. Et on retrouve pour moi dans cet investissement du corps, dans cette hypertrophie du corps, des traits caractéristiques du système. Mais il y a bien sûr une certaine forme de continuum historique. La façon dont on conçoit le corps aujourd'hui trouve aussi certaines de ses racines dans des époques antérieures, dans des époques parfois anciennes qui ont précédé le capitalisme. Et c'est pour ça que je ne nie pas, c'est le premier point ici, le fait que la fabrique du muscle, d'une certaine manière, on la retrouve dans certaines périodes qu'on cite régulièrement. On fait beaucoup référence aux Grecs qui s'entraînaient déjà dans des gymnases, c'est-à-dire des lieux, là aussi, concentrés, spécifiques, où on s'entraînait à la lutte, avec justement plutôt l'idée d'être nu dans ces gymnases. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'était de montrer qu'il y avait une différence entre le combat guerrier et le combat à travers cette activité physique qui se voulait pacifique, d'une certaine manière. Donc ça, c'était très, très important. Mais À travers cette lutte, à travers cette attente autour du corps, c'est ce que je mets ici, on était plutôt dans une logique que je qualifie d'encastrée. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour battre des records permanents, pour considérer que le corps n'avait pas de limites, et on pouvait toujours en vouloir plus à travers le muscle. On avait une certaine vision de l'esthétique qui correspondait aux normes sociales et politiques de l'époque, qui était là pour encadrer d'une certaine manière la vision qu'on avait du corps. Le corps était politiquement aussi situé de ce point de vue-là. Donc on avait cette vision-là. Idem chez les Romains, par exemple, alors, qui étaient parfois critiques à l'égard des pratiques grecques, pour des raisons de proximité des corps, pour des raisons de non-mixité entre les hommes en particulier. Mais les Romains étaient très fans de ce qu'on pourrait appeler, toutes choses égales par ailleurs, la boxe aujourd'hui, et pratiquaient aussi eux-mêmes dans les termes, avaient ce rapport au corps. Mais vous voyez que quand je disais que c'était historiquement situé, ce type d'activité physique-là n'était pas encadré par des règles spécifiques. L'idée, c'était par exemple de faire mal à l'adversaire, parfois en allant jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Quoi. Vous voyez ce qu'ils mettaient sur leurs mains, là, en dessous des gants, quoi, par exemple. L'idée, ce n'était pas de se protéger, c'était de faire mal à l'adversaire, par exemple. L'idée aussi de devoir vendre son corps pour produire un certain spectacle autour de l'activité corporelle était, d'une certaine manière, là aussi, pas forcément bien considérée, parce que ça voulait dire qu'on était dépendant de cette vente de son corps et que d'être pro dans cette logique-là n'était pas forcément bien vu par rapport au monde civilisé, d'une certaine manière. Donc vous voyez qu'on a bien évolué, puisqu'aujourd'hui, il y a des marchés du travail sportif où l'objet corps, la force de travail corporelle du sportif, va être vendu sur un marché. C'est ça qui s'échange et c'est ça qui crée de la valeur dans certains cas. D'accord ? Donc, ce que je veux mettre en avant ici, c'est de dire que, bien sûr qu'on est dans un certain continuum, et qu'on peut retrouver dans ces périodes-là des traits qui correspondent à l'idée de développer son corps, à l'idée de réfléchir à des techniques de production du corps et d'amélioration du corps, mais on reste quand même limité dans les potentialités qu'on s'imagine autour du corps. L'imaginaire est quand même assez borné par rapport à certaines normes et certaines valeurs. Et puis, les choses, justement, vont petit à petit changer, avec en particulier l'apparition progressive du capitalisme. Alors, le capitalisme... Je leur dirais, c'est un système qui prend des formes très diverses et là-dessus, il a pu avoir des origines géographiques et historiques pionnières dans beaucoup d'endroits du monde. Mais si on suit un petit peu les travaux de Max Weber, et je considère qu'il a raison là-dessus, et sans faire de l'ethnocentrisme, parce que je répète, ça ne veut pas dire que rien n'a existé ailleurs dans d'autres époques, on peut quand même considérer que c'est en Occident, donc plutôt en Europe occidentale, que petit à petit, des formes spécifiques du capitalisme, sur lequel je vais revenir après, ont émergé à partir du 15e siècle. Là, on retrouve déjà dans l'idée de la Renaissance, dans la représentation autour de l'art, l'idée qu'on peut comprendre le corps et en faire quelque chose. On peut chercher à l'améliorer, on peut chercher à le découper, à le distinguer par rapport à d'autres sources de valorisation. On est aussi dans des sociétés très marquées par la puissance de la religion catholique qui impose une vision où le corps est source de putréfaction, le corps est source de perversion, le corps est pourrissement. Ce n'est pas dans le corps que vous allez trouver une voie de salut, c'est dans l'âme et en particulier dans l'au-delà, quoi, d'une certaine manière. De plus en plus, vous allez trouver des formes de dissidence, et c'est pour ça que l'art est important aussi, parce qu'on voit qu'on peut avoir des représentations du corps qui commencent à mettre en évidence des possibilités d'amélioration. Et on voit ici dans le... Bon, je ne parle pas du tout espagnol, donc je vais mal le prononcer, mais dans le manuel d'éducation physique, de gymnastique et morale de Francisco Amoros y Ondeano, qui était un chef militaire de l'armée de Napoléon, ses réflexions autour des techniques du corps pour améliorer le corps et en faire quelque chose qui doit être finalement sans cesse amélioré, repoussé. Il y a des limites qui peuvent être repoussées. On peut chercher à améliorer l'humain à travers cette production du corps. Donc ça va vraiment avoir une incidence très très forte parce que dans le cadre de l'évolution historique, on va, à partir du 19e siècle, voir l'apparition du capitalisme sous différents traits. Et là, pour moi, tout change en fait. Parce que le corps va être considéré de plus en plus comme un outil essentiel au processus de production. Donc, améliorer son corps, c'est aussi améliorer le système, de plus en plus. Mais le corps, je commencerai un petit peu par la fin, vous voyez, le corps, c'est aussi un objet que chacun possède. Quand on est dans un monde où on n'hérite pas quelque chose de sa famille, de ses parents, officiellement, comme ça pouvait être le cas dans l'aristocratie, où c'est à vous de vous construire, c'est à vous d'acquérir votre statut, de faire vos preuves dans le monde économique, le corps peut être cette ressource qu'on va transformer en capital. Pour le transformer en capital, il faut avoir la possibilité déjà de se dire que le corps, c'est ma propriété privée. Mon corps, c'est pas le bon vouloir du roi qui décide de me pendre, de m'écarteler, tout ce qu'il faut. Non, le corps m'appartient, c'est moi qui décide. Quand on est dans le capitalisme, il y a aussi un changement de morale, et que Max Weber justement a pu mettre en avant en reliant ça à la religion protestante, qui change avec le catholicisme. Pourquoi ? Parce que le corps, c'est à l'individu qu'il appartient. Le corps, il est là pour améliorer le monde que Dieu nous a laissé. On n'a pas à attendre l'au-delà pour améliorer le monde que Dieu nous a laissé ou pour rendre gloire à Dieu. On le fait maintenant. Et si on cherche à améliorer le monde dans lequel on vit, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on utilise la science. Il faut qu'on utilise les meilleurs systèmes possibles pour pouvoir, finalement, accumuler du capital. Quand on transforme une ressource en capital, on passe par un marché. Le marché, c'est le lieu par lequel on va nous donner une certaine valeur de ce qu'on a pu faire en termes de production. Donc, un individu qui pense à son corps, ben, il le pense en se disant, ce que je fais de mon corps, je vais pouvoir le vendre sur ce marché-là et en tirer un bénéfice individuel. Il n'appartient pas à ma religion, il n'appartient pas à ma famille, etc. C'est moi, quoi. C'est moi qui ai mis ça en œuvre. Donc ça m'appartient et je peux même de me distinguer des autres et faire quelque chose de ma vie à travers ce corps. Donc de plus en plus, cette idée va s'instaurer dans le capitalisme. Et j'ai mis au pluriel, je répète, parce qu'il y a plusieurs formes de capitalisme, mais à travers ces traits communs, c'est très, très important. Et c'est aussi pour ça que un concept central, une activité centrale va vraiment être mise en avant dans ce système capitaliste nouveau, l'idée du travail. Le travail, il est là pour concrétiser tout ça. Le travail, il est là pour vous libérer de vos angoisses. Le travail, il est là pour utiliser votre corps et en faire quelque chose qui soit utile à vous-même pour gagner ce fameux profit dont on parlait tout à l'heure. Et le travail, c'est pas simple. Le travail, c'est la douleur. Le travail, c'est l'idée de se transformer aussi à travers cette activité. Et ce trait-là qui paraît anodin, parce qu'on dit oui, effectivement, le travail, bien sûr que c'est important, mais il va, à mon avis, jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi ce qui pose peut-être question, ça élargit un peu le débat, mais par rapport à l'avenir du capitalisme, on reste marqué par l'idée que le travail, il est essentiel, que le travail nous transforme, que sans travail et la douleur associée, on n'est rien, quoi. Et que si on n'a pas, par exemple, dans un entraînement des courbatures, c'est qu'on n'a pas bien travaillé, donc il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc vous voyez, ce système-là qui est finalement incarné en nous, ancré en nous, de transformation par le travail, par la douleur, qui va être sacralisée dans ce processus d'hypertrophisation musculaire. J'y reviendrai progressivement. Mais tout ça prend progressivement corps. Là, encore une fois, c'est le cas de le dire dans le capitalisme qui émerge à partir du XVIIIe siècle, qu'on va retrouver dans les usines classiques qui caractérisent les premières formes d'industrialisation, où le corps ouvrier, par exemple, c'est aussi une forme de valorisation pour les individus qui font partie de cette classe-là. Mais on voit aussi qu'on va créer des salles de plus en plus dans des grandes villes où on va pouvoir travailler ce corps-objet. Vous voyez ici le premier gymnase ouvert à Paris en 1856 par Hippolyte Tria. L'idée, c'est bien de se dire que, OK, on va dans ce lieu-là chercher à comprendre comment fonctionne le corps. On va chercher à utiliser la science, les derniers progrès scientifiques pour améliorer ce corps et chercher justement à en repousser sans cesse les limites. Et c'est ça qui change avec le capitalisme, c'est qu'il n'y a plus de limites. C'est parce qu'il n'y a plus de limites que vous pouvez créer des nouveaux besoins et qu'en produisant, vous allez répondre à vos nouveaux besoins, mais qu'une fois vos besoins satisfaits, il faudra en créer des nouveaux pour avancer, quoi. Et c'est ça qui nous motive finalement dans la pratique sportive, parce qu'on est à la fois dans un processus de comblement de frustration et de création de nouvelles frustrations pour toujours se remettre en cause, toujours se remettre finalement en marge de progrès et qui caractérise finalement cette... je dirais, ce rapport au corps qu'on va avoir aujourd'hui, mais qui trouve ses racines, pour moi, dans des époques antérieures. Alors, si on est dans un corps-objet, d'une certaine manière, ça veut dire qu'on cherche à le mettre en avant, on cherche à le valoriser, d'une certaine manière. On cherche à le faire savoir aux autres. Parce que, quand je parlais tout à l'heure de marché, c'est sûr que si vous êtes sur le marché du travail, vous cherchez à vous faire recruter pour un emploi, bah, par exemple, prenons le cas de certains ouvriers de l'époque, quelqu'un qui était costaud, dans certains cas de production industrielle, il pouvait être recruté pour cette qualité physique-là, par exemple. Bon. Mais vous pouvez aussi avoir des marchés, comme on qualifie parfois en sociologie, plus symboliques. Vous recherchez la reconnaissance des autres par le regard, par les interactions, parce que ces interactions sont de plus en plus nombreuses, parce que vous rencontrez de plus en plus de gens, quoi. Et on est dans ce cadre du 19e siècle, de plus en plus marqué par l'urbanisation. On vit dans les villes. On vit dans les villes, on se regarde de plus en plus, on cherche à afficher quelque chose par sa consommation. On cherche à envoyer des messages aux autres. On cherche aussi à envoyer des messages aux autres. Pourquoi ? Parce que le contexte urbain crée des tensions, des problèmes autour de l'hygiénisme, autour de la transmission de certaines maladies. Donc il s'agit d'envoyer des signaux positifs aux autres pour dire « Attends, moi je suis sain, quoi. Regarde ce que je fais, regarde comment je suis. » Et ça, c'est important parce que de plus en plus, le corps-objet va évoluer au tournant du 19e, début 20e, vers une certaine culture de l'esthétisme. Vous produisez votre corps dans des salles de plus en plus dédiées autour de ça pour envoyer un message autour de votre santé, autour de votre capacité de maîtriser votre corps et d'en faire ce que vous voulez, et donc de créer un phénomène d'apparence de la santé qui est véhiculé socialement. Et ça, on a des grandes figures de l'époque qui illustrent, dans différents types de contextes, finalement, cette capacité du corps à pouvoir envoyer des messages positifs où on se retrouve, quoi, finalement. On a une tradition qui va plutôt considérer, chez Desbonnet en France, chez Attila, chez Sandow, que vous connaissez peut-être aussi, qui sont parfois considérés comme Sandow, comme le père du bodybuilding, qui se produit à la Foire universelle de Chicago en 1893, qui est l'entraîneur de, bon, j'ai oublié son nom, mais du roi d'Angleterre de l'époque, qui fait aussi déjà, vous voyez qu'il n'y a, y a pas forcément de nouveauté dans l'idée, mais qui fait déjà du conseil par correspondance, qui envoie des programmes d'entraînement chez les gens, par voie postale, hein, bien sûr, il n'y a pas d'internet, mais par voie postale sur comment s'entraîner, comment s'occuper de sa vie, comment finalement être dans la nutrition la plus efficiente possible pour produire le corps souhaité. On est dans cette logique-là. Et puis, on est aussi parfois, en France aussi, à peu près à la même période, chez Georges Hébert, avec l'idée qu'à travers son corps, on va plutôt redécouvrir une certaine nature, une certaine symbiose avec l'environnement, et qu'au contraire, il ne faut pas s'entraîner dans les caves, entre guillemets, comme on dit parfois à l'époque, mais il faut au contraire retrouver une harmonie avec l'environnement. Donc, si on peut s'entraîner dehors le plus dénudé possible, c'est une forme, finalement, de libération du corps qui construit l'individu, qui construit l'identité personnel et qui redonne aux muscles son sens premier d'une certaine manière. Mais pour en revenir justement plutôt à cette idée de travailler le plus possible sur l'idée de l'hypertrophie musculaire, sur l'idée d'augmentation infinie d'une certaine manière du muscle et de son potentiel, c'est vrai que Sandow, je reviens à lui, est vraiment caractéristique de cette période où tous les potentiels du corps s'expriment. Et c'est là qu'on fait le lien encore une fois avec les formes du capitalisme de l'époque. Chez Tria, dans le gymnase qu'on a vu tout à l'heure, on utilisait déjà des câbles, par exemple, pour usiner le muscle, pour essayer d'en définir les détails les plus profonds. Mais ça ne marchait pas toujours bien, il y avait beaucoup de problèmes. Et du coup, on n'allait pas jusqu'au bout du potentiel musculaire. Sandow va inventer de nouvelles techniques, on le voit ici, en utilisant le matériau qui est très à la mode à l'époque avec l'industrie automobile, qui est le caoutchouc, quoi. Donc il va utiliser la possibilité d'étirer le muscle le plus possible dans les techniques d'entraînement, en innovant de ce point de vue-là, pour faire ressortir les stries du muscle, pour faire vraiment ressortir les aspects les plus fins. Et ça, c'est encore une fois dans l'idée de se dire, regardez ce que le corps est capable de faire et regardez ce que le corps est capable de produire, à condition de le vouloir, de s'organiser et de conscientiser le phénomène. Donc l'imaginaire du capitalisme, c'est de se dire que la consommation du corps s'intègre au système et c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir justement développer votre corps et en constituer un certain modèle. Et ce modèle-là, qui est à la base un petit peu circonstancié dans certaines grandes villes, en particulier américaines, qui est aussi parfois mixé avec différentes formes d'activité. Il y a des salles aussi comme ça en France où on pratique la savate, où entre deux techniques d'entraînement, on boit un coup de vin rouge, etc. Donc ce n'est pas les salles telles qu'on le connaît aujourd'hui. Enfin, je pense que celles et ceux qui vont dans les salles ne boivent pas un verre de vin rouge entre deux séries. Donc, ça reste encore, si vous voulez, ou peut-être, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est peut-être finalement un bon moyen de repousser la douleur, j'en sais rien. Mais on n'est pas encore dans un processus abouti. Mais vous voyez bien que dans l'idée de se produire, de concevoir le corps comme un but en soi à développer et à hypertrophier au maximum, commence à cette période-là. Et ça, ça va donner des idées de plus en plus quand on va basculer de plus en plus vers un capitalisme de masse. Capitalisme de masse, ça veut dire quoi ? On peut le prendre dans plusieurs sens. Un capitalisme déjà qui concerne de plus en plus d'individus qu'on fait entrer dans la logique de la consommation de masse. L'idée de pratiquer le développement du corps et des muscles n'est pas réservé au roi d'Angleterre. De plus en plus, on va chercher, à l'ouvrir à toutes les catégories sociales. Et à vous dire, vous devez aussi vous préoccuper de votre corps, vous devez aussi vous préoccuper de ce muscle qui est si important, qui renvoie à l'idée d'une maîtrise, qui renvoie à l'idée d'une santé apparente et qui finalement vous sert vous-même parce qu'il peut vous permettre de lancer une carrière dans différents types de secteurs, mais qui permet aussi de protéger la société. Il y a une vision très fonctionnaliste derrière tout ça. Vous entretenez par vous-même, vous protégez aussi le reste du système parce que vous êtes quelqu'un de sain, d'une certaine manière. Et ça, on va le voir évoluer tout au long du système. Et on le voit d'autant plus évoluer que, n'oublions pas que quand on parle de masse, on parle également de médias de masse. Ça me paraît très très important par rapport à la thématique du jour, j'y reviendrai tout à l'heure, mais à chaque moment du capitalisme, on a un média, des médias au pluriel, qui sont centraux pour véhiculer la façon dont on considère que la norme de consommation est la meilleure. Les journaux, bien sûr, à l'époque, mais la radio, de plus en plus, vont véhiculer une certaine façon de concevoir un rapport au sport, un rapport au corps qui est perçu comme légitime dans la société. Et à l'époque, ce qu'on appelle les comics, en particulier dans les années 30, ces fameuses BD américaines, commencent à véhiculer l'image de dire que, chez les hommes notamment, si tu veux être quelqu'un, si tu veux te construire, tu dois passer par ton corps parce que ce corps t'offre un certain pouvoir sur toi, mais aussi sur les autres. Alors on tombe bien sûr dans certaines formes de caricatures assez extrêmes. On voit ici, dans la partie de gauche, un individu qui est à la base chétif et qui est avec une femme et qui se fait moquer de lui par quelqu'un qui est plus costaud. Le plus costaud pique la femme du premier. Donc vous voyez le côté aussi passif des femmes dans cette logique-là part avec sa femme. Et puis finalement, l'individu qui a été moqué au départ fait de la musculation, se développe musculairement et puis remet la raclée à l'autre et reprend la femme d'une certaine manière. Donc on est dans cette logique de pouvoir qui va être utilisée à cette époque-là aussi par tous les systèmes autoritaires, voire totalitaires, qui ont bien compris que le muscle symbolise un certain ordre, une certaine maîtrise, une certaine puissance. Quand Hitler fait défiler ses soldats, vous avez cette référence à des statues grecques hypertrophiées aussi musculairement qui renvoient l'idée d'un ordre qui ne bouge pas, quoi. Le muscle, il ne bouge pas. Le muscle, c'est cette masse qui est là pour vous protéger et qui est finalement intemporelle, quoi. Vous voyez ? Donc, le muscle va être utilisé en masse aussi pour cette raison-là. Mais je reviens forcément à mon propos originel. Moi, ce qui m'intéressait dans cette idée de pratique de masse, c'est de parler d'économie. Et dans la consommation de masse de l'époque, on est bien sûr dans une idée d'industrialiser de plus en plus le système pour convaincre de plus en plus de personnes. Le fait de produire du muscle, c'est bien pour vous, c'est bien pour la société. Et c'est comme ça, d'une certaine manière, que les sociétés dans leur ensemble iront beaucoup mieux en termes d'ordre productif et aussi en termes d'ordre économique. Et dans ce cadre-là, il y a un personnage clé quand même, dans l'histoire moderne de la discipline de l'hypertrophie musculaire, donc en l'occurrence du bodybuilding, qui est Arnold Schwarzenegger. Parce que Arnold Schwarzenegger, il illustre tout ce qu'il fallait à l'industrie pour se développer. Et c'est pour ça qu'il a été utilisé par un personnage aussi central, qui est derrière Schwarzenegger sur la troisième photo, qui est Joe Vedder. Vous connaissez sans doute ses produits dans beaucoup de lieux, à Decathlon ou dans certaines salles ou des magasins d'équipement où vous pouvez trouver ces choses, qui a construit toute l'industrie du bodybuilding moderne grâce en particulier à Schwarzenegger, à travers ce qu'il a pu faire. Pourquoi ? Parce que Schwarzenegger, il incarnait la personne qui arrive aux États-Unis et qui va pouvoir faire une carrière potentielle grâce à son corps. Schwarzenegger incarnait le personnage qui a un charisme particulier grâce à son corps. On demandait à Schwarzenegger en arrivant, mais vous ne voudriez pas changer de nom parce que personne ne va vous comprendre aux États-Unis. Ben justement, ce n'est pas parce que j'ai un nom imprononçable que les gens se souviendront de moi, quoi. Et je marquerai l'histoire de ce pays. Donc ça plaisait beaucoup à Joe Vedder parce que Schwarzenegger était aussi beaucoup dans la première image de gauche. Il était dans une logique où, par son physique, il allait dominer les autres hommes et il allait pouvoir conquérir les autres femmes dans cette croyance, dans cet imaginaire, pour reprendre le terme de tout à l'heure, où le corps vous donne un certain pouvoir au sein de la masculinité qui vous permet de vous positionner favorablement par rapport au reste du groupe. Et Schwarzenegger arrive dans une phase historique où l'industrie du cinéma est très très importante. Il a été très marqué par des acteurs de péplum comme Steve Reeves qui, pour lui, incarnait cette puissance absolue autour du corps. Donc l'industrie du bodybuilding va aussi, à partir des années 50, converger avec celle de l'industrie du cinéma pour utiliser ses corps et en faire, là aussi, une modalité d'accumulation importante pour un nouvel espace de consommation et d'accumulation du capital. Ça, on le voit de plus en plus dans certains films à succès à partir des années 70, 80, 90, bien sûr, mais jusqu'à aujourd'hui. Alors, les acteurs ne sont pas toujours les mêmes, quoique Schwarzenegger ou Stallone, dans la dernière partie, ont fait encore récemment des films où le corps est mis en avant avec l'idée de toute puissance, de valorisation de soi, etc. Mais je pensais plutôt à Dwayne Johnson, particulier, qui était mis en avant au départ. Mais c'est tout ça aussi pour illustrer le fait qu'on a un système économique qui fonctionne avec une certaine transmission culturelle du pays dominant dans le capitalisme. Le pays dominant depuis le début du XXe siècle, c'est les États-Unis. Donc ça veut dire que leurs normes de consommation, leur façon dont on conçoit la production de certains biens ou de services, la consommation de certains biens ou de services est aussi impulsée par l'économie mondialement dominante. Et ben, ce qu'on retrouve dans la façon que conçoivent les Américains à travers les films arrive progressivement jusqu'à nous. On le voit aujourd'hui, je disais, c'est un phénomène de masse. Je suis impressionné aujourd'hui de voir autant de jeunes dans les salles de musculation. Mais aux États-Unis, quand on y allait il y a 20 ans, c'était déjà ça, quoi. Cette obsession du corps, cette obsession de la production du muscle dans les lycées même, où vous pouvez trouver des gyms, comme on dit, quoi. Il ne suffit pas d'aller en dehors de votre lycée pour pouvoir faire de la muscu. Vous avez juste à aller dans votre lycée pour en faire, quoi. Donc, c'était quelque chose déjà présent. Donc, cette norme-là, où il y a des nouveaux acteurs qui uniformisent, où il y a des grands groupes qui vous proposent des réponses à votre attentes autour du corps font aussi partie du système et du phénomène. Donc c'est pour ça que je reliais aussi à cette idée-là que ce corps de masse qu'on va voir émerger à partir des années 30 à travers les médias, parfois repris par des grands systèmes politiques, il a aussi bien sûr un rapport avec la façon dont on conçoit le système économique et qui nous marque parce que n'oublions pas également que le bodybuilding c'était plutôt son âge d'or pendant cette période-là, parce qu'on était dans une logique aussi d'affrontement avec l'ex-URSS et ses satellites. Il s'agissait de produire en masse pour symboliquement affronter un système. Je pense que la guerre froide, d'une certaine manière, elle prend aussi, elle a une certaine résonance dans la façon dont on conçoit les corps. L'image que je mets ici de Rocky, elle n'est pas anodine ici. Alors, pour celles et ceux qui connaissent, ça paraît peut-être un peu vieux, quoi, qui sont repassés récemment, mais Rocky 4, ici, c'est Est contre Ouest, quoi. Et le corps du boxeur, qui est aussi déjà hyper bodybuildé, vous prenez Dolph Lundgren face à Stallone, ce n'est pas des boxeurs poids-plumes. Vous avez cet affrontement symbolique dans l'idée d'accumuler le plus de masse possible pour montrer à l'autre qu'on est supérieur, d'une certaine manière. Et c'est là qu'on voit l'utilisation du corps différente dans un système. Dans le premier cas, on a un corps qui va être valorisé pour l'individu pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. C'est mon corps, je le vends comme je veux, j'en fais ma carrière, je suis un corps capitaliste, d'une certaine manière. Dans l'autre, je suis le corps du système soviétique. Ce corps ne m'appartient pas, je suis là parce que le système m'a aidé, mais par contre, quand on regarde bien, la production d'elle-même est la même. Il faut s'organiser pour produire ce corps-là, il faut faire tel ou tel type de technique d'entraînement, il faut utiliser la science, c'est juste les moyens qui... les moyens sont les mêmes, c'est les fins qui changent. Voilà. Et ça, ça me paraît important d'en arriver là, et je m'approche petit à petit, je pense que je suis dans les temps, il ne faut pas hésiter, vers la dernière partie qui est plus actuelle, mais il fallait que je passe par là pour comprendre les choses, pour bien comprendre comment on a évolué par rapport à ces attentes autour du corps, parce qu'un système économique et des attentes du corps liées à ce système économique s'appuient toujours sur des médias qui vont véhiculer une certaine forme d'imaginaire, une certaine forme d'attente autour des images. Tout ça nous façonne. Bon. Et le capitalisme a forcément changé parce que les individus ont changé, parce que les problématiques ont changé, parce que le monde change, voilà, on le sait, quoi. On n'est pas, on n'est plus dans les années 80 et on est aujourd'hui dans une forme de capitalisme que j'appelle le capitalisme des vulnérabilités qui change tout, en fait. Parce que ce capitalisme des vulnérabilités, il est marqué par des crises de plus en plus systémiques, de plus en plus fréquentes. Crise systémique, ça veut dire qu'elle ne concerne pas un seul pays, qu'elle ne concerne pas un petit groupe d'individus en disant, voilà, on s'en est sorti, c'était juste quelques banques. Par exemple, et puis maintenant tout va bien. Elle concerne potentiellement tout le monde d'une manière ou d'une autre. Les vulnérabilités, ce concept-là renvoie à cette idée. N'importe qui peut être touché à un moment donné par un problème. On est dans une phase un peu glissante de sa vie, un moment, dans une situation donnée où on sent qu'on peut basculer d'un côté comme de l'autre et que surtout, on va manquer de ressources pour faire face à ces vulnérabilités. Donc ça crée des peurs chez les individus. Ça crée des peurs pour se dire, est-ce que je vais être capable de faire face à ces vulnérabilités ? Est-ce que je vais être capable d'assurer s'il m'arrive quelque chose ? Et je suis d'autant plus angoissé qu'on est dans un système qu'on qualifie parfois de néolibéral, qui est une forme de capitalisme. Vous avez des capitalismes plus étatiques, où l'État intervient beaucoup plus, comme on le voit par exemple en Chine. Mais vous êtes dans des... Aujourd'hui, je pense que dans les pays occidentaux, on est plutôt dans des phases où l'État a tendance à se désengager de certaines formes de production, de sécurité collective, en particulier en matière de santé. L'individu est renvoyé à lui-même parce que c'est sa responsabilité. Si tu veux répondre à tes angoisses, à tes vulnérabilités, si tu veux aussi avoir de nouvelles formes d'opportunités, parce qu'il y a un versant positif pour certains, c'est à toi de prendre les risques, c'est à toi de te responsabiliser. Ce grand terme est arrivé de plus en plus sur le devant de la scène. C'est ta responsabilité, c'est toi qui décides. Et donc, dans ce cadre-là, on a des grands acteurs qui sont de plus en plus valorisés. L'entreprise, l'entrepreneur, c'est devenu le modèle. Parce que l'entrepreneur, il a pris des risques. L'entrepreneur, il a innové. L'entrepreneur, il s'est démerdé. Il partait de rien, puis il a réussi. Donc, il faut le valoriser. Il mérite ce qu'il a obtenu. Il n'est pas là grâce au système, mais c'est tant mieux. C'est comme ça qu'il faut être. Vous prenez les personnalités préférées des Français, ce n'est plus des hommes politiques, ce sont des sportifs. Parce que le sportif incarne cette logique de l'entrepreneur qui a réussi et qui est parti de rien, d'une certaine manière. Par contre, forcément, ça crée beaucoup d'angoisse et des inégalités potentielles parce que dans ce système, on est renvoyé à nous-mêmes et où on cherche à lutter par rapport à nos propres vulnérabilités, eh bien, on va être à la recherche de l'information centrale pour pouvoir avoir des réponses à nos angoisses. Or, qui fournit l'information ? Qui permet finalement de canaliser ces attentes ? Eh bien, ce sont les réseaux sociaux aujourd'hui. Ce sont les principaux véhicules de cette information et c'est pour ça que les réseaux sociaux sont au cœur de notre construction économique, mais donc de notre construction de l'image du corps qu'on va avoir par rapport à ça. D'accord ? Donc ça me paraît central. Et ce qui fait que si on schématise, si on divise, c'est ce que je fais dans le livre, c'est pas évident de séparer les deux, parce que dans la réalité, elles sont un peu mêlées, ces deux dimensions. Mais on peut avoir une idée de production du corps et de consommation du corps. Et vous comprendrez dans ma diapositive d'après pourquoi. La production du corps, elle renvoie à l'idée de se dire que je peux avoir mon corps représenté comme un objet, comme une ressource que je cherche à améliorer, que je cherche à produire, que je cherche à organiser, comme on dit, que je cherche à rationaliser. Je me lève à telle heure, je prends tel produit à telle heure. Si je vais à la salle, je m'entraîne comme ça. C'est un vrai processus de production. Je transforme de la matière. Donc ça prend du temps. Et puis symétriquement, on est dans une logique où la consommation du corps, elle renvoie plutôt à quelque chose d'éphémère, à des désirs. J'en veux toujours plus. J'ai obtenu quelque chose, mais j'ai vu quelque chose ailleurs que j'aimerais aussi, quoi. Et quand je suis dans la consommation, ce n'est pas tant l'objet que je veux, mais je veux cet objet parce que les autres le veulent aussi. Ça me paraît important. Je suis dans un mimétisme permanent dans la logique de la consommation. Et le capitalisme nous pousse à ça. Je vous disais tout à l'heure que le capitalisme, il cherche à nous créer des besoins en permanence. Est-ce qu'on a vraiment besoin de telle voiture ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de telle montre ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tel corps ? Oui, parce que je le désire, parce que ça me plaît, mais je le désire surtout parce que les autres l'ont. Et ça, je le veux, quoi. C'est parce que les autres l'ont que je le veux aussi. Et forcément, en se disant ça, vous démultipliez les espaces de consommation, en fait. Ça va ? Donc, dans cette nouvelle forme de société, dans cette nouvelle forme où on cherche à lutter face aux vulnérabilités, à assurer face aux nouvelles formes de vulnérabilité, eh bien, on peut effectivement se poser la question de se dire, est-ce qu'on est dans une hypertrophisation du muscle simplement sur le plan technique ? On va à la salle parce qu'on veut repousser sans cesse les limites, parce qu'on cherche à produire ce muscle le plus extrême possible, tel qu'on se l'est imaginé. Ou est-ce qu'on n'est pas aussi dans une certaine hypertrophisation de l'image, parce que celle-ci est omniprésente dans notre façon de concevoir notre rapport au corps. Et je pense que la réponse est bien sûr reliée aux vulnérabilités, et elle est reliée à ce qu'on attend du muscle quand on l'hypertrophie. Je crois qu'on est toujours dans cette logique actuelle où, dans l'héritage du début du XXe siècle, on recherche l'esthétisme. On recherche l'esthétisme parce que on va chercher à montrer aux autres qu'on a réussi à atteindre une certaine forme d'esthétisme. On a consommé le corps le plus débridé possible, le plus libéré possible, et on cherche à le faire savoir aux autres. La première fois où j'ai vu des gens qui étaient à la salle avec leur téléphone et qui se filmaient ou qui prenaient des photos, je me disais, mais c'est pas sérieux. Enfin, on est à la salle pour s'entraîner, on n'est pas là pour se filmer ou pour se montrer. Mais en fait, les individus qui l'ont fait, aujourd'hui tout le monde le fait, on attendait une valorisation sociale, on attendait une reconnaissance sociale par le marché dont je parlais tout à l'heure. Le marché, il est symbolique. Sur les réseaux sociaux, vous cherchez à avoir l'approbation des autres pour avoir une valeur. Donc ça me paraissait important. Mais vous avez aussi de plus en plus, dans ce capitalisme des vulnérabilités, des gens qui cherchent à être des entrepreneurs du corps. Ils cherchent à vendre ce qu'ils peuvent faire à travers le corps. Les influenceurs, les coachs, tout ça, c'est nouveau. Parce qu'on peut être dans l'hypertrophie de l'image en disant « Moi, j'ai réussi à faire ça, à faire carrière à travers le corps et à le faire savoir. » Donc, on voit que ce qui est à l'œuvre dans cette logique des médias sociaux où on hypertrophie le muscle à travers l'hyperprofit de l'image, c'est pas tant une vision narcissique, c'est une vision où on est tout le temps en permanence sur le regard des autres et qui crée une démultiplication des désirs. Ce qui pour moi interpelle, pourquoi ? Parce qu'on peut à partir de là être dans certaines formes de pathologie, quoi. Et ça, c'est important. Il y a différents publics qui sont dans la salle ici. Je pensais, on disait tout à l'heure, pour particulier aux personnes qui veulent être prof en collège, au lycée, il y a parfois un certain mal-être derrière la façon dont les jeunes conçoivent leur corps. Il y a des attentes tellement énormes qu'ils sont prêts à tout. Il y a des étudiants, des jeunes aux États-Unis qui prennent des stéroïdes dans les lycées, même s'ils ne font pas de sport, parce qu'ils ont envie de projeter une image d'eux-mêmes. Et pourquoi ? Parce que c'est là qu'on retrouve ma distinction entre production et consommation du corps. La production du corps, entre guillemets, être comme Schwarzenegger, ça prend du temps. Peut-être d'ailleurs qu'on ne le saura même jamais, parce que c'est long, parce que c'est ascétique, parce qu'il faut avoir une vie de moine pour y parvenir. Il faut renoncer à tout, il faut s'isoler. Et donc il faut l'accepter. Par contre, être dans une certaine image du corps, parce qu'on voit sans cesse des images de personnes parfaites, qu'on imagine parfaites, parce qu'on voit toujours quelqu'un qui fait mieux que soi, ça c'est l'éphémère, et ça c'est quelque chose qui est dans le court terme. Donc quand les logiques ne se rejoignent pas, c'est là où vous pouvez tomber dans le dopage, parce que le dopage, ça peut être une bonne façon. Quand je dis bonne façon, c'est sur le plan de l'organisation, hein, c'est pas dans le plan dopez-vous. C'est une bonne façon de résoudre la différence entre production et consommation. Vous raccourcissez le processus. En quelques mois, potentiellement, vous pouvez être un peu comme Schwarzenegger. C'est dans ce cadre-là qu'on tombe aussi dans des phénomènes d'isolement, dans des phénomènes de surentraînement, de bigorexie. On en veut toujours plus et on se croit maigre alors qu'on est énorme, par exemple. Vous voyez, de dépendance à l'entraînement, de nouveaux phénomènes d'addiction. Donc, cette hypertrophie du muscle, pour moi, elle va avec cette hypertrophie de l'image et elle correspond, comme j'ai cherché à le mettre en avant, dans ce système économique dans lequel on vit, qui pour moi est nommé le capitalisme des vulnérabilités, où les normes attendues sont reflétées par ce qu'on fait, nos attentes autour du corps, le toujours plus, le toujours mieux. La comparaison est, quand je parlais tout à l'heure de fonction du muscle, eh bien, c'est en plus de l'esthétisme, parce que ce qu'on attend aujourd'hui, c'est pas tant le corps de Schwarzenegger ou de Ronnie Coleman, c'est un corps qui s'adapte à différentes vulnérabilités qu'on pourrait ressentir, se faire agresser dans la rue, faire un sprint de 100 mètres pour pouvoir s'adapter si on est agressé. Il y a une inondation, il faut qu'on puisse faire une traction pour passer de la fenêtre d'en dessous à celle du haut. C'est pour ça que les sports comme le crossfit ou le street workout, pour moi, prennent beaucoup plus d'importance que le bodybuilding pur, à mon avis, de même que les sports de combat. On y reviendra peut-être pendant les questions, je n'ai pas trop eu le temps d'y réfléchir ici, mais il y a tellement de choses à dire. Et aussi, le fait que, dans ce capitalisme des vulnérabilités, par nos consommations, on fait évoluer le système, on permet au système d'exister. Parce que quand on consomme en masse, on perpétue le phénomène du système de coaching, d'influenceurs, de produits nutritionnels, de produits pharmaceutiques. Regardez les pharmacies, il y a plus de publicité pour les produits nutritionnels que pour les médicaments qui soignent aujourd'hui. Voilà, parce qu'on est en attente de responsabilisation de l'individu à travers son corps. C'est des opportunités importante, je ne le nie pas et je pense que c'est même le plus important, bien sûr, mais il y a aussi des risques associés dont il faut avoir conscience et qui sont en jeu quand on cherche à hypertrophier finalement son muscle. Je vous remercie pour votre attention, j'en ai terminé, puis on va pouvoir passer aux questions. Donc tout ça est bien sûr présent dans la fabrique du muscle sur lequel je me suis appuyé pour pouvoir réaliser cette intervention aujourd'hui. Et puis je laisse la main à mes collègues pour parler un petit peu du bistrot Staps.